afin que croule ce truc de pervers et de faire afin que roule dans un bac d'enfer sous la bâtisse fermée votre corps et vos icônes. Peut-être un arbre pour pif ou à la franchouillard, pénalty en tête du bouquin.